Je voudrais partir d'une observation préliminaire en ce qui concerne l'éthique, ce que vous avez mentionné dans votre réflexion. C'est-à-dire que je trouve que dans le moment dans lequel nous vivons, il y a besoin d'une solidarité entre les sciences en ce qui concerne la protection des temps de la planète et la protection des temps des sociétés humaines dans leurs différences. Donc, je trouve que les différences dans nos langages peuvent être utilisées comme un instrument de force si nous avons ce but commun. Ça, c'est mon observation préliminaire. Et l'observation substantive que je voulais vous faire en tant que sociologue avait à faire avec votre affirmation sur laquelle je suis d'un côté évidemment convaincu, c'est-à-dire que le temps est irréversible, on ne peut plus changer ce qui s'est passé, mais on peut bien changer les représentations du passé. Et les représentations du passé sont des dimensions substantielles en ce qui concerne les identités collectives, les identités des groupes sociaux, leur lutte sociale, leur aussi communauté, oui, communautés qui sont inventées, comme Anderson le disait. Donc, il y a une question très importante de pouvoir avec lequel, dans les sociétés humaines, le temps est étroitement lié. Donc, quand nous discutons de ces représentations du passé, nous savons bien que les différents pouvoirs, les différents, disons, aussi élites ont une possibilité de changer ces représentations du passé. Alors donc, si nous pouvons penser de travailler à lier les différents langages, je suis convaincu que nous pouvons bien nous préparer à faire face au problème de le siècle qui est commencé maintenant.